Psaume 47. Psaume des enfants de Corée, donné au maître chantre. Peuple, battez tous des mains, jetez des cris de réjouissance à Dieu avec une voix de triomphe. Car l'Éternel, qui est le souverain, est terrible, et il est grand roi sur toute la terre. Il range les peuples sous nous, et les nations, sous nos pieds. Il nous a choisi notre héritage, qui est la magnificence de Jacob, lequel il aime, c'est là. Dieu est monté avec un cri de réjouissance, l'Éternel est monté avec un son de trompette. Psalmodiez à Dieu, psalmodiez, psalmodiez à notre roi, psalmodiez. Car Dieu est le roi de toute la terre, tout homme entendu, psalmodiez. Dieu règne sur les nations, Dieu est assis sur le trône de sa sainteté. Les principaux des peuples se sont assemblés vers le peuple du Dieu d'Abraham, car les boucliers de la terre sont à Dieu, il est fort exalté.